de ma nuit émoustillée. L'envie m'envahit, je suis stimulée. De qui je suis, non, tu n'as pas idée. Sous mes serres fragiles, je te ferai trembler. De ma bouche, me laisserais-tu t'embraser sous la touche? Entends l'envie dans mon souffle, raccroche-moi et prends vite la route. Je pense à toi, je me touche, j'aimerais bien plus que t'embrasser sur la bouche. Pénétrer la zone rouge, être le feu de tes amours. You. À raison, je suis seule alors oui, je t'invite à la maison. En slow motion dans la passion, pour faire monter la pression, ça fait partie de la mission. Hey, je nous imagine dans le noir, rideau fermé, je me fais des films tard le soir. Je ferai tout pour te voir les pieds et les mains, pour te boire en être ivre de toi, baby. You, ooh, let me touch your body. One touch your body, me one kiss your body. You don't know how much me one feel your body, me one feel your body. Yeah, me one touch your body all night long. Me one lick your body. Yeah, baby, me one hug your body. Me no wanna wait for you hug your body. Yeah, you, let me touch your body. Your body. Let me touch your body. Your body.